Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Yo siento la noche, me hablo al oído, me dice tu nombre, que es mi gran castigo. No hay freno que valga, ni brisa de mar. Tus ojos me miran, me hacen delirar. Y es que tu calor me enciende, me mira y mi cuerpo lo entiende. Y cuando te acercas ya no hay salvación. Me quitas el aire, me robas la razón. Dale el calentón, que quema, que quema. La piel se me eriza y yo no lo evito. Me encanta la prisa y es que tu calor me enciende. Me mira y mi cuerpo lo entiende. Y cuando te acercas ya no hay salvación. Me quitas el aire, me robas la razón. Dale al calentón, que quema, que quema. Nadie nos frena, dale el calentón, que sube la espuma.

54 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Et puis, rebonjour à Lionel avec que vous avez pu entendre ce matin entre 10h jusqu'à maintenant. Et que vous allez le retrouver donc, eh bien, la semaine prochaine. Et bien voici le retour, tout simplement, et bien le retour pour l'émission, et puis pendant encore une demi-heure, la musique non-stop, et puis d'ici après, de l'accordéon jusqu'à 16h. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Toc toc, c'est nous, Radio Arc-en-Ciel est de retour. Réserve tout de suite ton 29 novembre. Eh oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adrienne Pereira. Pour la première fois sur Orléans, uma lindíssima voz do bailarico português vai ser a dançar até amanhecer. Reserve vite. Pour le 29 novembre à 19h30 à table. Au menu, une entrée. Assiette océane. Un plat chaud cozido à portuguesa. Un fromage. Trio de fromage sur son lit de salade. Un dessert. Dessert glacé et puis un café ou un thé. Et un sharing. Boisson non comprise. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Bannier, à Fleury-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05, mais aussi par mail arc-en-ciel.iota radioarc@gmail.com. Les points de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le Panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Si le Portugal s'invitait à Orléans. Les 28 et 29 novembre, le Théâtre d'Orléans accueille Bad Fado, un spectacle hors du temps où le fado se danse, se bat, se vit. Quatre danseurs, deux guitares, une voix, ensemble ils réveillent une tradition oubliée, celle du fado battu. Ce fado populaire, sensuel et rebelle, né dans les ruelles de Lisbonne au 19e siècle. Mise en scène par Jonas Ellender, Bad Fad, c'est la rencontre entre la musique, le mouvement et l'âme portugaise. Une expérience puissante, hypnotique, où chaque note, chaque pas raconte une émotion. Les 28 et 29 novembre, laissez-vous emporter par l'intensité du fado au Théâtre d'Orléans. Réservez dès maintenant vos places sur théâtredorléans.fr. Radio Arc-en-Ciel vous offre vos invitations pour Bad Fado. Des places sont à gagner très bientôt sur nos ondes. Alors, restez à l'écoute, tendez l'oreille et laissez-vous battre au rythme du fado. On s'est laissé porter par le vent, où sont passés tous nos sentiments. C'était le temps d'avant. J'aimerais remonter le temps, entendre ta voix me dire tout bas, me chuchoter d'une douce voix que tu m'aimes. On s'est fait du mal. Texas is far away, and you said you're

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Simplement, il est bien continué avec l'accordéon. Et c'est le Fox, suivi juste après Salsa. We'll be right back.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et puis nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec l'accordéon. Et voici du côté de la Corrèze avec la bourrée. Et puis juste après, la misette. Au Satan. Ah, vu le monde qu'il y a, que t'es cher? Oh, ouais! Quel grand gala d'accordéon! Quel denier qui zogue! En entre à tec, des affaires pète à la bourreille! Yeah. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Prenez l'écoute, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur Radio Arc-en-Ciel, la radio tout en couleur. Et voici la suite de la musique d'accordéon avec le Baon. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et on continue avec le tcha-tcha. Et après, ce sera la bourrée. Le polka. C'est chaud, c'est Havana cha-cha. On danse, balance, c'est Havana cha-cha. Ça va la pièce, Havana cha-cha. Et viva Havana. Tiens, si j'allais danser le cha-cha-cha sous les cocotiers bannés de Cuba. Tiens, si j'allais à Marie-Mélena pour danser cha-cha. Allons-la, vas-y, accroche-toi.

se font quand tu pleures. En dansant d'autres jours, le tango du bal du seul, en l'ambiance des gagas, un dimanche au de l'eau, dans les bras d'un hidalgo, c'est le plus beau des tangos.

déjà 15h45, et bien presque la fin de l'émission. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé un très bon après-midi. Je vous laisse avec d'autres morceaux d'accordéon. Et puis on se retrouve donc et bien dimanche prochain. Et on se retrouve aussi le mardi et le vendredi à partir de 13h30. Sendo que o Leixões está reduzido a 10 unidades. Recordo que o Torriense já hoje se apurou para os oitavos de final com a vitória na casa do Lusitano e Dolorosa por 1-0. A partir das 3 da tarde arranca o duelo 100% Algarvio entre Farense e Silves no estádio São Luís. Às 4 da tarde nos Açores o Santa Clara recebe o Comércio e Indústria. Às 5 horas o Tondela defronta o Caldas e finalmente às 5:30 da tarde é a vez do Braga defrontar o Nacional. Teremos relato também dessa partida à boleia do Nuno Braga. Antena 1, Desporto. E da Taça de Portugal masculina para a Taça de Portugal feminina, já três equipas apuradas para os oitavos de final. De ontem o Tamaiense venceu o Guia por 6-0 e o Vitória de Guimarães venceu na casa do Amora por 3-0. Hoje mais uma vitória forasteira já carimbada, a da equipa do Feirense, a que foi ao terreno do Vitória Pico da Pedra vencer por 1-0. Em andamento estão neste momento duas partidas, ambas no intervalo. Gil Vicente 1, Moreirense 0 e Roriz 0, Braga 3. A partir das 3 da tarde, várias partidas, entre elas o Académica Sporting, que vamos acompanhar com o Bruno Malveira Marques, agora em direto também nesta tarde esportiva. Bruno, bem-vindo a esta tarde esportiva. Vamos às primeiras desse duelo entre dois históricos, Académica e Sporting. Boa tarde, João Gomes Dias. Um grande abraço extensivo ao vasto auditório da Antena 1, a partir da Academia Briosa 21, na belíssima cidade de Coimbra. Tarde de chuva, duelo entre Académica de Coimbra e Sporting. As duas equipas medem forças nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal Feminina. A formação das estudantes que compete na quarta divisão do futebol feminino é a anfitriã das Leoas, que militam no principal escalão. É por isso um duelo, como se diz na gíria, de David contra Golias para o lado da equipa conimbricense. Não retira o entusiasmo de ter a oportunidade de afrontar uma equipa que luta pela conquista da Taça de Portugal. Quanto ao Sporting, tem como um dos grandes objetivos desta época voltar ao Jamor 4 temporadas depois da última final e por isso encara este jogo com a máxima seriedade num duelo de emblemas históricos do futebol português, como bem frisaste. Quanto às escolhas dos dois técnicos, o treinador da Académica, Xano Machado, promove apenas uma alteração face ao último jogo, à vitória no terreno do Nege, uma equipa de Ilha, por 2-0, saída de Luana Marques para a entrada de Mafalda Bento. A formação da Académica vai alinhar então com Lara Dias na baliza, depois um trio de centrais composto por Maria Teixeira, Valentina Bartolo e Raquel Varajão. Pelas alas, à direita, Daniela Pereira, à esquerda, Catarina Mesquita, no miolo do meio-campo, Ana Teixeira, Laura Pereira e Beatriz Oliveira. Na frente de ataque vão estar Filipa Fernandes e também Mafalda Bento. Quanto ao Sporting, o técnico Miquel Sequeira promove 7 alterações depois desse triunfo categórico no prolongamento por 3-1 frente ao Glasgow City. Saídas de Ana Velman, Ashley Barron, Brenda Pérez, Daniela Arques, Beatriz Fonseca, Telma Encarnação e Maísa Correia. Entradas de Catarina Potra, Érica Cancelinha, Tânia Rodrigues, Geneva Gray, Matilde Nave, Ana Capeta e Rita Fontemanha. O Sporting vai então aliar com Catarina Potra na baliza. O trio de centrais composto por Mackenzie Cherry, Érica Cancelinha e Madison Haugen. Depois, pelas alas, à esquerda, Tânia Rodrigues, à direita, Rita Fontemanha. No miolo do meio-campo, Geneva Gray e Flor Bonde Segundo. Frente de ataque, entrega Matilde Nave, Carolina Santiago e Ana Capeta. A árbitra da partida viajou da capital, Catarina Campos. Jogo que principia dentro de sensivelmente 6 minutos aqui na Cidade dos Estudantes. Bruno Malveira Marques vai acompanhar esta partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal feminina entre Académica e Sporting. Há muitos encontros que arrancam às 3 da tarde. Tome nota: Cadima Famalicão, Alverca Futebol Benfica, Juverforce Atlético Oriense, temos também União de Leiria Barreirense, Clube da Albergaria Benfica, Esposende Rio Ave, Aldeia Nova Marítimo, Escola Futebol Feminino Setúbal, Valadares Gaia. Temos depois, a partir das 4 da tarde, o Vasco da Gama afrontar o Torriense. Vamos acompanhar naturalmente também aquilo que se passa na Taça de Portugal feminina, sendo que estamos nesse duelo de históricos. Estamos também no handebol, no pavilhão João Rocha, onde o Sporting há muito que só sabe vencer para o Campeonato Nacional e é hoje que vai jogar novamente para essa competição, diante do Marítimo. Formação Verde Rubra visita os Leões. O jogo será acompanhado pelo Carlos Manuel Santos. Carlos, muito boa tarde, bem-vindo a esta tarde esportiva. Vamos às primeiras desse encontro da jornada 12 do principal escalão do Campeonato Nacional de Handebol. Boa tarde, João. Boa tarde a todo o auditório da Antena 1. Respondemos do pavilhão João Rocha, a casa das modalidades do Sporting, que hoje vai receber esse jogo de handball entre o Sporting e o Marítimo da 12ª jornada. O Marítimo vai tentar fazer o que nenhuma equipa nacional conseguiu fazer nos últimos 3 anos e meio, ganhar no João Rocha. O Sporting tem esse recorde de invencibilidade caseira no campeonato, está há 48 jogos sem perder. Ouviu bem, são 48 jogos consecutivos sem perder em casa no campeonato. A última derrota foi a 7 de maio de 2022, quando o Porto derrotou os Verdes e Brancos por 28-29. Nestes 48 jogos sem perder, são 46 vitórias e 2 empates, claro, empates esses com o Futebol Clube do Porto. E nos últimos 9 anos, o Sporting apenas perdeu em casa no campeonato com uma equipa, exatamente o Futebol Clube do Porto. A última equipa a vencer aqui no João Rocha, sem ser o Porto, foi o ABC em dezembro de 2016. O Marítimo tem por isso uma tarefa muito difícil, mas por outro lado, um motivo extra para fazer história. Madeirenses que são orientados pelo treinador adjunto da Seleção Nacional, Paulo Fidalgo, que está no clube há 5 anos e com o selecionador nacional no clube, os madeirenses conseguiram a sua melhor classificação de sempre na época passada, o 4º lugar. Já temos os 7 que vão entrar. No Marítimo, Ruben Santos está off. Se a tarefa já era difícil, mais difícil fica sem o central madeirense. O Sporting vai jogou com Christensen, Carlos Alvarez, Martim Costa, Kiko Costa, Nathan, Torkelsen e Edi Silva. O Marítimo, Alexandre Magalhães, Sandoval, Diogo Silva, Délcio Pina, Nuno Oliveira, José Silva e Ruben Calunga. No histórico, em todas as competições e em todos os locais, 14 jogos, 14 vitórias do Sporting. Será que há 15ª de vez para acompanharmos na sua tarde esportiva? A boleia do Carlos Manuel Santos no pavilhão João Rocha. Desporto, Antena 1. Sendo que a partir das 3 da tarde arranca também o Futebol Clube do Porto, o ABC. De ontem vem a vitória do Benfica por apenas um golo diante do Belenenses. A partir das 3 da tarde vamos também ter o resto da atualidade com o jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. Nos 3 minutos e meio que nos restam, vamos escutar Margarida Silva, a atleta portuguesa que hoje conquistou a medalha de ouro nos Jogos Surdo-Olímpicos que estão a decorrer em Tóquio, a capital do Japão, na prova de 800 metros. Margarida Silva já tinha conquistado uma medalha de prata neste evento, consegue agora o tão ambicionado ouro, sobe ao lugar mais alto do pódio. Explica o quão especial é conquistar esta medalha. Eu, quando assumi a minha surdez, foi muito...